fait changeant. La dernière fois que j'étais ici, j'étais littéralement tout seul. Avec, en arrière, la régie qui était là, on était en plein milieu de la COVID. Et donc, personne ici. Fait que c'est, je peux vous dire, c'est vraiment étrange de prêcher à une salle vide. Alors, je suis vraiment content que vous soyez là aujourd'hui, qu'on peut célébrer ensemble. Je n'ai pas de doute que le Saint-Esprit nous connecte partout, là, même si on est chez nous. Et bonjour ceux qui nous écoutent à la maison. Mais ça fait du bien d'être ensemble, là, qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, de partager ensemble. Merci, je donnerai à la fin, Noël m'a demandé de donner un peu de nouvelles de notre ministère. On est missionnaire, on est soutenu par vous depuis plusieurs années déjà. Un grand merci pour nous permettre, vous allez voir, on vous parle un peu de nos projets, qu'est-ce que le Seigneur nous a mis à cœur, puis qu'est-ce que, j'en parlerai plus à la fin. Mais commençons en se tournant dans la parole de Dieu. Tu peux mettre la prochaine, il y a seulement une image pour la prédication. Tu peux mettre l'image, on va tourner avec moi si vous avez vos Bibles, en Actes chapitre 8, à partir du verset 26. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 26. Avec un message qui s'intitule « Quand Dieu nous invite à partager notre foi ». Vous savez, des fois, on est découragé. Des fois, on se regarde en tant qu'église locale ou autre, on se dit « Ah, Seigneur, la gloire du temple n'était pas la même que celle d'autrefois. » Ou on se rappelle le temps qu'on s'est converti. Ou on se rappelle le temps où... Mais j'aimerais nous réconforter d'une chose. Le Seigneur a dit « Ne quitte pas ici, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville, » dit-il à l'apôtre Paul. Vous savez, des non-croyants, là, ou des gens qui ne croient pas au Seigneur Jésus, il y en a là autour de nous de façon extraordinaire. Ils ont besoin d'entendre ce message-là. Puis peu importe où ce qu'on est, qu'on soit comme les 12 disciples, ou qu'on soit comme Philippe dans cette histoire, qu'on va voir qu'il va être envoyé seul, hors de où il y avait l'action, le Seigneur avait quand même un plan. Puis j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble, puis qu'on puisse être ce matin, que le Saint-Esprit puisse toucher nos cœurs. C'est sa parole, vous savez, c'est la parole de Dieu. Elle est écrite, elle est inspirée. Un des rôles du Saint-Esprit est de venir cogner à la porte de notre cœur, puis dire, « Hey, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. » Qu'on puisse être ouvert à ce que Dieu nous dit dans sa parole et comment est-ce qu'on peut appliquer ça dans chacune de nos vies. On est tous dans des contextes différents, mais un seul esprit, une seule parole. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que 2000 ans plus tard, cette histoire de Philippe peut nous encourager, peut nous exhorter, peut nous montrer, Seigneur, et nous rappeler que tu es grand. On l'a chanté, Seigneur, on va le voir dans ta parole. Et Seigneur, aide-nous. Aide-nous à être des témoins et être une lumière pour ceux qui sont autour de nous. Ici, à Victoriaville, dans le reste du Québec, dans le reste du monde, Seigneur, aide-nous à avoir à cœur de voir des gens qui ne te connaissent pas être transformés, libérés par l'amour de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'aimerais lire le texte une première fois, puis après ça, on le décortiquera ensemble. Donc, je l'ai ici dans la version de Seconde 21. Donc, Actes chapitre 8, à partir du verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Va dans le désert. Okay. D'habitude, on veut sortir du désert, pas aller dedans. Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Un gars qui part d'Éthiopie et qui arrive à Jérusalem pour adorer le Dieu des Juifs. Le gars est intéressé, là. Puis c'est pas n'importe qui. C'est un haut placé dans le royaume d'Éthiopie. L'esprit, donc, on est rendu au verset 28, il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Nous, on prend pour acquis, c'est facile, ben oui, j'ai une Bible. Mais à l'époque, les rouleaux sont traduits à la main, il faut que tu trouves quelqu'un pour le transcrire. Et donc, il s'est probablement acheté. Lui, comme moi, j'aime acheter des livres, mais lui, il est arrivé à Jérusalem City, puis il a trouvé une place où il pouvait acheter des manuscrits, puis il est reparti avec le manuscrit d'Ésaïe. Et non simplement, il est en train de lire Ésaïe, mais vous allez voir que le Seigneur fait bien les choses, parce que quel passage d'Ésaïe est en train de lire? Et donc, verset 29, « L'Esprit dit à Philippe, Avance et approche-toi de ce char. » On s'attend à une grosse révélation de l'Esprit, mais approche-toi du char. Une fois que le Seigneur nous met des choses à cœur, appelle donc un tel pour l'encourager. Le Seigneur, c'est des petites choses qui nous... Des fois, c'est la pizza qu'on a mangé le soir d'avant, mais des fois, c'est le Seigneur qui est soit un encouragement, donne une... Avance-toi et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, il pose la question, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il lit à haute voix, « Comprends-tu ce que tu lis? » L'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? » Il invite Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit, donc on a une citation d'Ésaïe, il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée, et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. Et le gars, il lit un passage, puis il ne connaît pas trop de choses au Dieu d'Israël, il lit un poème, il ouvre son livre à peu près aux deux tiers du livre d'Ésaïe, puis il tombe sur Ésaïe 53. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe prit la parole et partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau! Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Faisant sa présentation de l'Évangile, il dit, « Si tu crois, prochaine étape, comme dans Actes chapitre 2, ben, identifie-toi à la mort et la résurrection de Jésus. » Fait que lui, l'eunuque, « Hey, il y a de l'eau! » Je ne sais pas exactement c'était quoi la couleur de l'eau qui était là, mais il y a de l'eau. « Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Scotty, beam me up. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Philippe se retourna dans Azote puis alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. On peut deviner, c'est quoi un des ministères de Philippe? C'est un évangéliste. Il peut pas, il part, tant qu'à être là. T'sais, il se promène puis il parle de Jésus. Vous avez-vous déjà posé la question, Pourquoi Dieu a envoyé Philippe et il l'a fait partir comme ça? Parce qu'il l'a fait marcher pour y aller. Pourquoi il l'a fait repartir? Mais je pense qu'une des raisons, c'est que c'était une preuve pour l'eunuque éthiopien qui venait de se passer vraiment quelque chose de mystique, de mystérieux. Puis il revient et l'histoire nous dit, ben, mais il y a un témoignage chrétien en Éthiopie par la suite et possiblement que cette personne-là, justement, a commencé à parler de Jésus autour de lui. Quand on retourne dans notre passage, verset 26, « Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en lui disant, « Lève-toi, va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Le Seigneur avait cédulé un rendez-vous dans l'agenda de Philippe. Il n'y a pas de Google Calendar, il n'y a pas d'agenda électronique, mais il y avait un rendez-vous divin pour lui. Un rendez-vous divin, c'est quand Dieu met quelqu'un sur notre route. Le problème, c'est que pour avoir un rendez-vous avec quelqu'un, il faut être minimum combien de personnes? Deux. Mais des fois, le Seigneur nous envoie des rendez-vous, puis on n'est pas là. Donc, un des rôles qu'on a, des fois, quand le Seigneur nous envoie, puis d'être prêt de recevoir des rendez-vous divins, bien, c'est « Seigneur, je suis là, envoie-moi, je suis prêt ». Mais de prier, Seigneur, est-ce que tu as des rendez-vous divins pour moi? Et là, ce qui est intéressant, c'est que Philippe, il est dans un coin hot. Il est à Jérusalem, là. Et Jérusalem, dans le début du livre des Actes, là, c'est la place que tu veux être. Écoute, ils sont rendus avec une église de plusieurs milliers de personnes. Alors, les choses bougent. Les apôtres sont majoritairement là, encore à ce moment-là. Puis là, il dit, va-t'en dans le désert. Des fois, ça ne fait pas de sens. Je ne comprends pas, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne prends Philippe, qui est un évangéliste, qui parle bien, puis tu l'envoies? Mais justement, parce qu'il l'envoie avec un message. Ça nous enseigne que Jésus ou Dieu, parfois, va nous amener à faire des détours pour parler aux gens. Avance Va proche du char. Parle. Des fois, on se dit, ça m'est arrivé, puis ça m'est peut-être arrivé, hein, vous êtes au travail, vous êtes ailleurs, puis est-ce que je saisis cette occasion de parler de Jésus? Tu sais, c'est comme quand tu joues au jeu au tennis, puis c'est le fun, la saison s'en vient. Quand tu vois une balle, puis là, tu vois ton adversaire qui est là, puis c'est le moment où tu peux faire un smash. Puis, tu sais, tu vas l'avoir ton point. Et là, il y a ce moment d'hésitation. Et là, le moment passe. Puis là, c'est plus le temps, tu peux taper dans l'air, c'est pas grave, la balle est par terre, c'est plus le moment. Mais des fois, c'est d'être capable de demander, Seigneur, aide-moi à identifier ces moments-là où la balle est à la bonne place. Puis que je puisse donner un coup. Parfois, c'est un service. Puis on part le jeu, puis on dit des choses pour mettre les bases. Mais parfois, c'est le bon moment. C'est le bon moment de parler. Puis il faut dire, ah, Seigneur, s'ils viennent vers moi. Tu sais, on met des genres de toison, là, comme. Mais la toison, c'est pas une marque de foi hein, dans la Bible. C'est une marque de ne pas vouloir faire ce que Dieu veut. Seigneur, si tu fais telle chose, puis là, ah non, Seigneur Dieu, please, puis on fait le contraire. Quand on prie, on demande à Dieu, demandons à Dieu de nous révéler, de nous ouvrir les yeux, à qui il veut qu'on parle dans cette journée-là. En Colossiens, chapitre 4, c'est dit ceci, « Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance, priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole afin que je puisse annoncer le mystère de Christ à cause duquel je suis emprisonné et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. » En Philippiens, un peu plus tôt, l'apôtre Paul va dire « Personne n'ignore, oui, il est dans comme là, il est en prison, plus ou moins un genre de maison d'arrêt, personne n'ignore autour de moi que c'est à cause de Jésus que je suis ici. » Puis là, on vit dans une société qui est de plus en plus, les chrétiens sont de plus en plus persécutés. Dans l'Ouest canadien, j'ai un ami qui est directeur de camp, puis les camps étaient souvent loués par des écoles, hein, dans les journées vers la fin de l'année, pour des Olympiades, des choses comme ça. Et comme c'est un camp chrétien, maintenant, ils n'ont plus le droit de le louer. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus ouvert à toutes les inclusions puis à toutes les choses. Et là, le directeur de camp discute avec le monsieur qui est en charge du school board, du conseil d'école. Et lui, il est là depuis 35 ans. Et c'est un Sikh, pas un Sith là, comme dans Star Wars. Là, un Sikh, c'est ça avec un turban puis un couteau qui croit dans cette religion Sikh. Et qui pose la question à... Il dit, moi, je suis vraiment désolé. Il dit, ça fait 35 ans, dit ce monsieur-là, président du conseil d'administration de l'école. Ça fait 35 ans, je n'ai jamais vu un temps plus bizarre et étrange que celui-ci. À chaque semaine, on a des nouvelles choses qu'il ne faut pas dire, des choses qu'il faut ci, puis il faut ça. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi toute la haine s'en va vers vous, les chrétiens. Là, je trouve ça fascinant d'avoir quelqu'un, un Sikh, qui est capable de voir, d'analyser. On dit qu'on veut être ouvert à tout le monde, sauf à un groupe, vous. Et le directeur de camp a ouvert la Bible. Il y a une raison pour ça. Il a ouvert la Bible. Il y a un texte dans la Bible qui dit que ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Puis pendant 45 minutes, il a pu y partager l'Évangile. Puis à la fin, le directeur a dit, de l'école, il dit, écoutez, on va garder la porte ouverte au cas que les choses changent. Parce que moi, j'aimerais ça continuer à envoyer, mais fermons pas la porte au moins. Le temps change. Et on vit dans une société où on a les non-chrétiens ont peur de parler. Fait que les chrétiens aussi ont peur de parler. Parle. L'apôtre Paul nous dit, alors qu'il est essentiellement en prison, parle et que prie que le Seigneur nous donne des occasions d'annoncer sa parole. Est-ce que nous prions pour que Dieu change notre agenda de la journée? Souvent, on aimerait ça qu'il nous libère des choses. On veut moins de choses. On n'aime pas ça changer les choses. Mais de toute façon, combien de gens me disent « Ah, j'ai un agenda, mais je ne le regarde jamais de toute façon. » Soyons prêts à ce que Dieu puisse changer les choses dans notre agenda. Vous dites « Seigneur, comment est-ce que tu veux m'utiliser aujourd'hui? » Verset 27, « Il se leva et partit. » Intéressant, Dieu lui dit quelque chose. Et sa réaction, il se leva et partit. Dieu dit quelque chose, il fait. Quand Dieu nous cédule un rendez-vous divin, la deuxième partie, c'est d'y aller. d'être là. Il se leva et partit. C'est la discipline de la vie chrétienne. Un disciple, Jésus va dire, « Pourquoi m'appelez-vous maître? » Master. Pourquoi m'appelez-vous maître, maître, et ne faites-vous pas ce que je vous demande? C'est un peu étrange. C'est un peu comme si tu étais un chef dans une cuisine. Oui, chef, oui, chef. Peux-tu couper les concombres? Oui, chef. Peux-tu piler les patates? Oui, chef. Puis tu ne fais rien. Pourquoi tu m'appelles chef, chef, chef, si tu ne fais rien de ce que je te demande? Le texte continue. Un eunuque éthiopien, un haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, un administrateur de tous ses trésors, est venu à Jérusalem pour adorer. Une des premières questions à se poser dans n'importe quelle conversation, c'est « Qui est-ce que j'ai devant moi? » Parce que tu ne parles pas de la même façon. Là, ici, on a quelqu'un qui cherche, qui est en train de... Littéralement, il est en train de chercher. Il dit « Lise, il dit « Explique-moi! » Il est prêt à... On va y expliquer. Il va partir d'Ésaïe 53. Mais la question est pertinente. La personne que j'ai devant moi, est-ce qu'elle est une catholique, un musulman, un athée? L'approche, les questions ne sont pas toujours les mêmes. Et des fois, les gens vont dire « Ah, mais on en avait une amie dernièrement, c'est une musulmane non pratiquante. » Mais ce n'est pas la même chose une musulmane non pratiquante qu'une musulmane pratiquante. De la même façon qu'un catholique de naissance, ça ne veut pas dire qu'il connaît quelque chose au catholicisme. Fait que des fois, il faut poser plus de questions. L'approche ne sera pas toujours la même. Jésus, il a toujours le même message. Mais l'approche et la façon qu'on va jaser aux gens va être différent. Hier, il y a quelqu'un qui est venu cogner à la porte. Ça faisait longtemps, depuis la COVID, je n'en avais pas vu de mes yeux vus. Des témoins de Jéhovah. OK. Rentrez, rentrez, on finissait de déjeuner. C'est fait rentrez, rentrez, venez vous asseoir. Il était venu une semaine avant, j'en disais avec mon épouse. Et la première chose que j'ai fait, je leur ai posé des questions. J'ai dit, dites-moi, ça fait combien de temps que vous êtes témoin de Jéhovah? Ça faisait plus de 40 ans qu'il était témoin de Jéhovah. Quand il venait de déménager il y a quelques années dans le coin, puis là, je me disais, comment ça se passe quand tu passes d'une salle de royaume à une autre salle de royaume? Puis en jasant un peu, je pose la question, as-tu des responsabilités? Puis là, il m'explique que c'est un ancien, pas un équivalent des anciens dans nos églises. Puis, genre, c'est intéressant, quand tu pars d'une salle de royaume à une autre, est-ce que tu restes ancien? Fait que je pose des questions. J'ai appris des choses que je ne savais pas. Pourtant, je connais bien les témoins de Jéhovah, mais j'ai appris des choses. J'ai appris une chose que j'ai trouvé fascinante, c'est que les prédications, ils ont un choix de 150 prédications. Puis ils choisissent là-dedans. Puis ils prêchent une des 150 prédications qu'ils ont. Ils ne sortent pas de l'extérieur de ça. Ça, ils font ça, puis l'autre chose qu'ils font, c'est qu'il y a des textes qui leur viennent de la société Watchtower, puis ils les lisent. Ils n'ont pas le droit de le lire autre chose, d'ailleurs, au point de vue religieux ou autre. Fait que j'ai posé des questions. Ça bâtit un rapport, j'ai posé des questions sur leurs enfants, et tout ça. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment m'intéresser à eux. Aimons notre prochain. Peu importe qui il est. Mais c'est bien, bien, bien difficile et c'est un principe, c'est pas un principe qui nous vient, je pense qu'on peut le tirer, mais c'est pas un principe qui vient directement de la Bible. Comprendre avant d'être compris. Ça va vraiment, ça fait un long bout de chemin dans une conversation. Et à un moment donné, il me dit ceci, il dit, avant de venir me raconter, il a passé du catholicisme au témoin de Jéhovah, il dit, mais j'ai pris 6 mois, à un moment donné, pour examiner les témoins de Jéhovah au maximum, pour voir s'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Quand j'ai vu qu'il y avait tout allait bien, mais je suis devenu témoin de Jéhovah. Mais à un moment donné, la balle est arrivée à la bonne place. Puis, tu sais, j'enseigne au séminaire biblique et tout ça, puis j'enseigne bon, la Bible, puis il y a beaucoup de versions de la Bible, puis beaucoup des versions de la Bible sont les bonnes versions de la Bible, mais malheureusement, je dois dire aux étudiants qu'il y en a une qui est malhonnête. C'est la vôtre. Mais si tu me permettrais, j'aimerais ça te montrer 2 versets. Fait que je suis descendu dans ma Batcave. C'est littéralement marqué Batcave sur mon bureau en bas. Et j'ai été chercher dans ma bibliothèque une Bible témoin de Jéhovah puis un interlinéaire grec-anglais des témoins de Jéhovah. Je suis équipé dans ma Batcave. C'est pour ça que je l'appelle la Batcave. L'interlinéaire, c'est quoi? C'est que tu as le texte anglais qu'ils ont traduit dans la traduction du Nouveau Monde. Puis tu as de l'autre côté, tu as le texte grec et juste littéralement en dessous, les choses qui sont marquées. Fait que j'y montre. Et je vais tourner ensemble en Jean 8, 58. Cette place où Jésus dit, « Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Et là, les Juifs veulent prendre les pierres, veulent le lapider. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dire exactement la même chose que Moïse. Dieu lui a dit, « Qui m'envoie? » je suis. Mais dans la version des témoins de Jéhovah, c'est marqué avant qu'Abraham ne fût, moi, j'étais. Pas la même chose pantoute. Sauf que je prends leur version avec le grec, puis je regarde en dessous, dans la traduction comme littérale qu'ils ont dans leur propre truc de grec, c'est marqué, moi, je suis, ego emi, moi, je suis. Puis c'est marqué en dessous, je suis. C'est marqué dans votre propre interlinéaire, mais pourtant, vous ne le traduisez pas de cette façon-là. Ça change un peu le texte. Mais pour ça, je raconte une histoire. J'imagine que ton oncle décède. Mon oncle décède, puis il était très riche. Puis le notaire m'appelle, puis il dit, écoute, t'as tout hérité. Toutes les choses vont être à toi. Youhou! Et là, tu vas chez le notaire, puis il te donne une vieille lampe, puis une boîte avec plein de vieux outils. Là, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'hérite pas de tout, de toutes les choses. Désolé, là, il y avait une erreur, c'est pas toutes les choses, c'est toutes les autres choses. C'est pas la même chose, hein? Je me suis dit, ouais, effectivement. Tournez avec moi en Colossiens 1. Puis dans Colossiens 1, où ça nous dit que Jésus a créé toutes les choses, qu'il est avant toutes choses, puis qu'il a fait tout fait, il rajoute à 4-5 reprises le mot, il a créé toutes les autres choses. Il rajoute des stands de crochets. Fait que je me regarde, ça change-tu le sens ou pas? Il y en a un, Jésus est Dieu. Il est Jéhovah. Il est Yahvé. Il est l'Éternel. Puis les rajouts que votre traduction font, ben, ça change le texte complètement. Puis ça nous dit en 2 Jean, verset 5, si quelqu'un va au-delà dans la doctrine du Christ, il n'a pas le Père. Fait que si tu passes à côté de qui Jésus est, tu passes à côté. « Ah, mais je ne veux pas te débattre. » Non, ce n'est pas un débat. Tu peux partir avec l'information, c'est dans ta propre Bible. C'est dans les crochets sont là, puis ton interlinéaire est là. Mais tu m'as posé la question tout à l'heure. Tu m'as dit, moi, j'ai passé 6 mois à essayer de voir s'il y avait un problème. Mais moi, je pense que ça, c'est un problème. C'est un problème majeur. Je crois en Jésus, je crois que la Bible est infaillible. Puis je crois que c'est lui le sauveur. Mais je crois qu'ici, vous passez à côté. Je ne sais pas s'il va revenir ou pas. Mais oui, je me suis intéressé au témoin de Jéhovah, la personne qui est devant moi. Mais j'ai aussi pris un peu de temps pour comprendre. Pourquoi? Parce que ça m'arrivait souvent de jaser avec eux. Peut-être qu'au travail, tu as un ami musulman ou tu as un ami athée. Mais c'est peut-être de prendre le temps de comprendre un peu plus. Hey, c'est quoi qu'il croit? Pour être capable d'aller sur son terrain puis de poser des questions qui vont quoi? Va l'amener à considérer l'Évangile. C'est ce que Philippe va faire un peu avec cet eunuque éthiopien. Donc, au verset 28, « Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. » Ce que l'Esprit fait ici, c'est ce que j'appelle un peu, c'est des clés parfois qu'on reçoit dans la prière. Tu sais, quand on prie pour les gens, puis l'apôtre Paul nous dit de prier pour les gens. Mon grand-père, qui a 85 ans maintenant, 86 même, se pose beaucoup de questions. C'est un catholique pas pratiquant, mais qui se pose beaucoup de questions sur la mort, sur qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord, sur qu'est-ce qui est vrai. Puis il lit les évangiles apocryphes, puis il lit les trucs mystiques. Puis à un moment donné, je priais, puis Seigneur, comment faire pour toucher son cœur? Le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur. Il m'a dit, pourquoi tu lui dirais pas, hey, Pépi, tant qu'à lire tout ça, puis à lire même les faux évangiles, puis c'est pourquoi tu ne lirais pas l'original? Puis j'ai approché mon grand-père. « Hein, je me pisse. Pourquoi tu ne lirais pas l'original? Tu pourrais commencer avec l'évangile de Jean. » Ce que le Seigneur m'a donné dans la prière, c'était une petite clé pour juste toucher son cœur. Vous savez quoi? Il a commencé à lire la Bible. Jusqu'à ce jour, ça fait plusieurs années, il la lit tous les jours. Puis il me pose de plus en plus de questions. Puis, j'ai même écrit un livre, j'en parlerai un peu plus tard, il est ressorti dernièrement, mais pour lui, qui s'appelle « Nous croyons en Dieu, la foi chrétienne expliquée », parce que je me suis dit, peut-être qu'il ne m'écoutera pas. Il va peut-être me lire, par exemple. Puis, à un moment donné, j'ai écrit dans, tu sais, quand t'es, excusez l'expression, mais quand t'es petit cul dans la famille, là, moi, je suis le plus petit, ben là, ouais, mais... Mais quand tu es le plus petit dans la famille, mais TQ, tu ne l'écoutes pas. Il n'y a pas grand-chose à dire. Là. Il est né pas mal longtemps après nous. Mais j'ai écrit dans la dédicace à un moment donné, c'est peut-être TQ qui l'a écrit. Mais le message, lui, vaut la peine d'être entendu. Puis il lit. Puis il m'écrit. Puis dernièrement, la semaine dernière, il me dit « Hey, j'ai écouté ton podcast, là. Le podcast, c'est pas une émission de radio essentiellement. Je ne veux pas commenter le contenu, là, mais c'est intéressant. Tu sais, il veut comme si mais des fois, le Seigneur nous donne. Fait que des fois, quand des relations, quand on prie pour les gens, priez le Seigneur de vous aider. Un, intéressez-vous à ce qu'il croit ou qu'est-ce qu'il pense, pour comment est-ce que j'apporte l'Évangile. Mais deux, Seigneur, donne-moi une idée. Avance proche de ce char, c'est le temps. Des fois, c'est des choses, c'est le temps. Ah, mais là, je ne suis pas sûr. Le pire qui va arriver, là, c'est quoi? De quoi on a si peur? De quoi on a peur? On a peur qu'il ne nous aime pas. Mais Jésus a dit, mais s'ils n'ont pas aimé le maître, les disciples, là, ça a moins de chance. Ça fait partie de la game. Quel rendez-vous divin pour Philippe. Dieu préparait déjà le cœur de l'homme. Puis c'est la même chose, vous avez compris, Seigneur, mets devant moi ce qu'on appelle les low fruits. Tu sais, les fruits là, qui pendent. Tu sais, quand tu vas chercher des pommes, là, puis tu arrives à la fin de la saison, puis là, il faut que tu montes dans les échelles. Puis, non, tu veux y aller là, quand les fruits là, sont facilement accessibles. Mais ça, c'est des fruits que le Seigneur a déjà préparés d'avance. Fait qu'il y a des gens qui attendent juste ça. Pop! Tu sais, quand Jésus dit « envoyer des ouvriers dans la moisson », c'est parce que la moisson est prête. Fait que des fois, c'est « Seigneur, aide-moi à voir qu'est-ce qui est prêt », parce qu'il y a des gens qui attendent juste ça, d'entendre parler de Jésus, puis ça va répondre à une véritable question dans leur vie. Ça ne m'est pas arrivé souvent, hein? Au travers de ma vie, mais certains événements m'est arrivé à un moment donné, quelque chose comme ça. Je me promenais sur la rue, j'étais jeune adulte, au début de la vingtaine. Puis, je revenais le soir, j'aimais bien aller prier dans un parc à Montréal. Je regardais l'étoile qui était dans le ciel, puis c'est avec la pollution, il y en a juste une que tu vois. Puis je priais, « Seigneur, pourquoi est-ce que je ne t'entends pas plus souvent? » Tu sais, on se pose la question, « Seigneur, t'es où? » Puis là, il y a une idée qui m'est dit, « Mais c'est peut-être parce que tu ne prends pas le temps d'écouter. » Peut-être du mérite, cette affaire-là. Et là, je suis en train de marcher, je suis en train de fredonner. J'aime bien chanter depuis que je suis jeune. Puis, et là, il y a un monsieur qui arrive proche de moi. Puis il me dit, « As-tu l'heure? » À peu près 10 heures le soir, Montréal, Petite Patrie, Saint-Denis, Jean Talon à peu près. Puis je donne l'heure. Puis après ça, il me regarde et dit, « Est-ce que tu t'appelles Robert? » Tu sais, quand quelqu'un dort, te pose la question, « Si tu t'appelles Robert à 10 heures le soir à Montréal, » je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche, là. Fait que, non, moi, c'est Jean-Sébastien. Ah, il dit, ah, moi, c'est comme si. Comme quoi? Il dit, comme si. Ben, je dis, bonjour, comme si. Mais le gars, il continue à marcher avec moi. Puis il me dit, moi, je travaille là, au nettoyeur. Il y a un petit nettoyeur qui a parti la musique dans ma tête. Hein. Tu sais, le parrain, là, écoute, le petit Italien, il travaille au nettoyeur, il se promène sur la rue pour chercher quelqu'un. Fait que je dis, ça va bien aller. Non, mais, et là, je dis, mais moi, j'ai étudié en théologie. C'est quoi la théologie? On apprend sur qui Dieu est. Ouais, c'est intéressant, ça. Et là, on arrive bientôt à mon coin de rue, je m'en vais, puis j'ai tellement hâte d'y arriver. Des fois, ça vous arrive jamais à vous d'avoir le cœur dur. Hein? Puis tu dis, non, le Seigneur veut qu'il veut un rendez-vous. Non, moi, je ne veux pas y aller à ce rendez-vous-là. Et là, j'arrive sur le coin de la rue. Puis le Seigneur me met à cœur et dit, demande-lui, selon lui, c'est quoi le message de la bonne nouvelle? Et là, Seigneur, ça ne me tente vraiment pas, là. Mais vraiment comme, vas-y! Et je le regarde, c'est comme si tu avais à dire dans tes propres mots, c'est quoi le message de la bonne nouvelle de Jésus? Qu'est-ce que tu me dirais? Puis là, il me regarde et il dit, hey, ça, c'est une question profonde. Mais pas ce soir. Yes! Peut-être pas le cœur dur pantoute, hein? Mais là, le Seigneur me met une autre chose. Il me dit, demande-lui donc alors comment tu peux prier pour lui. Comme si, s'il y avait une chose pour laquelle je pouvais prier pour toi, ça serait quoi? Il dit, prie pour que j'aie la paix dans mon cœur. Tu me permets-tu de prier maintenant pour toi? Maintenant? Il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il n'y a personne, il a dit oui. J'ai prié pour lui à ce moment-là. J'ai prié pour lui qui connaisse Jésus-Christ, parce que c'est juste lui qui peut donner la paix. Quand j'ai dit « Amen », il m'a dit 450, non, non, non, il m'a donné son numéro de téléphone. J'aimerais ça que tu me parles de ton Jésus. Et là, l'autre deuxième question qu'il m'a dit, il m'a regardé, il dit, est-ce que tu as des pantalons? Non, il dit pas ceux-là. Il dit, moi, je travaille dans un nettoyeur, là. Je veux te fixer, t'arranger, te nettoyer tous tes pantalons. OK. Je suis retourné chez nous. 3-4 jours après, je ressors, j'étais proche du métro Jean Talon, j'ai ma guitare d'un bord, ma raquette de tennis de l'autre, puis qu'est-ce que je rencontre pas? Comme si, hey, tes pantalons! Fait qu'il est venu jusqu'à chez nous, j'ai donné tous mes pantalons. Écoute, il fait les bords avec des belles affaires, puis tout le kit, puis il m'invite à aller au nettoyeur, au deuxième étage. Pour comprendre quelque chose à propos de moi, je ne bois pas de café. Je déteste le goût. Je bois la crème glacée au café, le gâteau au café. Je ne suis pas capable. L'odeur. Pourtant, j'habitais à côté du marché Jean Talon. Tu sens le café tout le temps. Mais j'aime pas le café. Et là, j'arrive. Puis c'était pas une petite affaire, là. Il m'avait préparé, là. Un de ces cafés, là. J'ai prié intérieurement. Seigneur, c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais pas ma volonté, mais la sienne. Et là, tu sais, Jésus avait dit, j'ai soif sur la croix. Moi, j'ai dit, as-tu du sucre? Et là, j'en ai pris take one for the team. Là, j'en ai pris une pour l'équipe, un pour l'évangile. Je suis sûr qu'il y aurait une partie de récompense en haut. J'ai bu ce café-là. Puis j'ai pu partager l'évangile. Je sais pas où est comme si aujourd'hui. Il n'a pas répondu positivement à l'évangile à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne répondra pas ou qu'il n'a pas déjà même répondu puis que je ne sais juste pas. Des fois, le Seigneur nous met des petites choses comme ça. Puis on se dit, ah, mais est-ce que je devrais agir sur cette idée ou cette chose qu'on a sur notre cœur? Mais, tu sais, nous, en tant que baptistes, on n'aime pas ça. Don Carson disait, on n'aime pas ça. C'est comme Dieu m'a dit, tu sais, ou l'Esprit dit, avance près de ce char. On est comme, mais là, on ne voudrait pas faire quelque chose. Tu sais, on voudrait pas faire quelque chose qu'on n'est pas supposé faire. Mais Don Carson disait, mais dans le fond, chez les baptistes, on dit exactement la même chose, on utilise un autre vocabulaire. Le Seigneur m'a mis à cœur. Un, ça donne moins de pression. Je préfère cette appellation-là. Pourquoi? Parce que, ben, effectivement, t'es pas sûr si c'est Dieu qui te dit ou pas. Mais ça se peut que le Seigneur t'a mis quelque chose à cœur, par exemple. Puis ça, c'est le Saint-Esprit. Charles Swindoll, un pasteur que j'aime beaucoup, disait la même chose. Le Seigneur nous parle. Il parle à nos cœurs. Est-ce qu'on écoute? Il va s'approcher de lui. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il va y présenter l'Évangile, il va aussi y présenter comment répondre à cet Évangile. Tu fais que quand l'unique Éthiopien va arriver, il va dire « Hey, il y a de l'eau! » Philippe, là, il a déjà commencé le processus de formation de disciples. On va dire, il est déjà passé, il a déjà expliqué le baptême, puis il a déjà expliqué, bien, il est rendu plus loin. Pourquoi? Parce que l'Évangile, c'est pas juste un ticket gratuit, tu sais, anti-enfer, là, ou... L'Évangile, on est justifié, on est aussi transformé, sanctifié. Avant d'aller avec lui, j'écoute, je vais mourir imparfait. Puis Dieu va devoir me finir au body shop céleste pour enlever tout ce qui reste de mal. Fait qu'il n'y en a pas fini avec moi. On est, comme Martin Luther disait, justifié et encore pécheur. C'est ça, chaque fois qu'on prend la Sainte-Seine, là, on se rappelle quoi? J'étais pécheur, je suis encore pécheur. J'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai encore besoin de la grâce de Dieu chaque jour. Simul justus et peccator, à la fois justifié et pécheur. Mais dans cet évangile de présenter, la vie chrétienne, c'est une aventure extraordinaire. Pas toujours facile, mais une aventure extraordinaire. Et il en prend un avant-goût en voyant Philippe qui s'envole. Puis il dit, oh boy, il y a une vérité ici. Ça doit être vrai avec tout ce que j'ai vu. Puis il part et ce que Philippe lui a partagé, il va et le partage à d'autres. Et à un moment donné, il y a quelques années, on a fait un petit groupe de... C'est drôle comment le Seigneur utilise des choses des fois. J'étais arrivé à Oasis il y a plusieurs années, puis on était supposé avoir une équipe pour faire un VBS, donc un genre de petit groupe de vacances avec les gens du coin. Et finalement, ça s'est tombé à l'eau, mais les Américains s'en venaient quand même. Puis là, on dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? T'sais, on a une gang d'Américains qui sont là pour une semaine, puis on n'a plus rien à leur faire faire, puis ils ne parlent pas français. Alors on a dit, mais pourquoi on ne leur ferait pas? Parce qu'on a sorti un pamphlet pour faire un groupe d'exploration de la foi. Une place où on va manger ensemble pendant 6 semaines, puis on va discuter, et avec mon livre, Nous croyons, à ce moment-là, dans sa première édition, puis on en discutait. Puis pour être là en tant que chrétien, il fallait que tu ailles inviter un ami. Fait qu'on avait, la moitié du groupe était chrétien, la moitié du groupe était non chrétien. Puis il y a un des gars qui était là, qui est venu, c'est vraiment drôle, à la fin des six semaines, il est venu me voir, il dit, « Moi, là, j'ai-tu droit d'aller à l'église? » Puis je dis, « Non. » Non. J'ai dit, « Oui. » Puis il est arrivé, puis il connaissait déjà plusieurs personnes, mais son épouse, qui était musulmane semi-pratiquante, s'est convertie. Puis elle est devenue une évangéliste. Puis elle a commencé à évangéliser tout autour d'elle. Fait qu'on ne sait pas, cette personne-là parle peut-être même plus de Jésus que qu'est-ce que j'ai l'occasion de parler de Jésus. Mais vous savez, ce qui est drôle, c'est que le monsieur, pourquoi est-ce qu'il est venu? Tu dis, oh, des fois, le Seigneur travaille de vraiment d'étranges façons. Le gars avait reçu donc le nom de l'église, c'était l'église Oasis, pour avec l'idée qu'elle vient pour recevoir le repos que Dieu offre. Et lui, il n'avait pas vu son fils. Sa femme avait enlevé son fils quand il était plus jeune, puis il ne l'a pas vu depuis des années. Puis c'est un monsieur qui n'est pas croyant, se considère athée, mais qui prie quand même à dire, « Dieu, si tu existes, cette semaine, je veux avoir la chance de parler à mon fils. » Il reçoit notre pamphlet. Il réussit, cette semaine-là, à avoir un Skype pour la première fois depuis des années avec son fils. Il regarde le pamphlet. Il voit le nom, Église Oasis. Croyez-le, croyez-le pas. Le nom de son chien, c'était Oasis. C'est dit, « Hey, ça doit être un signe! » Dieu peut utiliser, je ne verrai pas un grand signe, mais Dieu utilise plein de détails, de petits clins d'œil pour dire, « Hey, je t'ai répondu à ta prière. » Puis il était là, il est venu complètement « nowhere », il ne connaissait personne dans l'église, puis il est venu. Pourquoi? Puis il a entendu, puis son cœur a été touché, puis il a avancé dans sa foi. Les gens autour de lui sont venus au Seigneur. Ça n'a pas été facile pour madame, parce que d'annoncer à son père, qui était chrétienne maintenant, il y avait un coût à ça. Puis elle a hésité pendant longtemps, puis on s'est dit, mais il ne faut pas avoir honte de ce que Jésus fait pour nous. Puis elle a finalement dit à son père qu'il l'a renié. Puis il a dit, t'es plus ma fille. On ne se rend pas compte en tant que Québécois, on pense qu'on est persécuté, on pense qu'on est comme... Ben, il y a des gens qui payent un coût bien plus grand que nous quand on vient au Seigneur, puis on ne réalise pas. Puis on oublie. Je vous dirais, une des raisons pour laquelle on ne partage pas l'Évangile, c'est qu'à quelque part, on n'est plus vraiment convaincu que l'Évangile peut faire une différence dans la grâce, dans la vie des gens. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas mis DW40 spirituel dans nos vies. On grince un peu. Mais rappelons-nous, puis demandons, Seigneur, hey, ce que tu as fait hier, tu peux encore le faire aujourd'hui. Puis peu importe notre âge, Moïse, il a commencé tard. Abraham, il a commencé tard. Fait que cette excuse qu'on a des fois, « Ah, mais moi, je suis trop vieux pour changer. » Ben, c'est pas une excuse que Dieu accepte. Parce qu'il utilise les jeunes. Dans Jérémie, « Je suis trop jeune pour parler. » Puis il y en a, « Je suis trop vieux pour parler. » Ça tombe bien, hein? Je te donne le Saint-Esprit. Puis sur qui? Vos jeunes filles et vos jeunes gens. Puis c'est quoi l'autre? Vos vieillards. Tout le monde a le Saint-Esprit. Pourquoi? Vous serez mes témoins. Peu importe ton âge, Dieu n'en a pas fini avec toi. Peu importe où ce que tu es, Dieu n'en a pas fini avec toi. Il te donne une bouche pour que tu puisses parler de la grâce de Dieu. On a la chance, Cathy et moi, de produire, et là, transitionner un peu vers la présentation de ce qu'on en est dans le ministère, qu'est-ce qu'on fait de ce temps-ci. On a la chance de produire du matériel en français, particulièrement pour les enfants et les adolescents. Vous savez, 80% de nos jeunes, c'est 8 sur 10, quand ils arrivent au cégep ou à l'université, ils vont quitter la foi chrétienne ou l'Église. Vous l'avez peut-être vécu, vous avez peut-être la famille, que ça a été le cas. Mais une des raisons, il y a multiples facteurs, mais une des raisons, c'est parfois qu'il n'y a pas de réponse à leurs questions. Ils ont l'impression qu'ils ont posé ces questions-là, qu'ils n'ont pas eu de fin pour recevoir, qu'il n'y avait juste pas de bonne réponse à leurs questions. Mais ce qu'on remarque, c'est que alors que les jeunes se posaient la question avant qu'ils étaient au cégep et à l'université, ils se posent les questions maintenant au primaire et au secondaire. Ils sont tellement exposés rapidement à ces questions-là, puis c'est des bonnes questions, qu'on a dit, c'est comment est-ce qu'on présente quelque chose à des préadolescents, des 8-12 ans, puis des 13-17 ans. Et ça, c'est, je vous disais, c'est notre gros projet depuis les deux dernières années. On était en studio dernièrement, un studio professionnel, parce qu'on voulait vraiment que, souvent en tant que chrétien, on fait de la qualité qui est là, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Mais, tu sais, quand tu passes à la TV et tu as un show qui la qualité n'est pas bonne, qu'est-ce que tu fais? Tu passes à l'autre. Fait que quand on présente à des non-chrétiens ou quand on présente à nos jeunes pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire et de répondre à ces questions, est-ce que Jésus a déjà existé? Si Dieu existe, pourquoi le mal? Comment est-ce qu'on sait qu'on est la bonne religion? Ouais, mais la vérité, là, c'est pas une raison pour se faire mal. Tu sais, dans une société de tolérance tout le temps. Comment même qu'on sait qu'il y a un Dieu qui existe? C'est ces genres de questions-là qu'on tente de répondre pour les jeunes. J'aimerais ça vous montrer un vidéo. Ça dure 10 minutes. C'est pas pour celui qu'on a fait pour les jeunes, c'est celui qu'on a fait. Adulte qui va avec ce livre. Ça vient tout juste de sortir. Publication chrétienne a repris le livre. On en a fait une sortie. Et c'est le livre, je dirais que si mon cœur était là, c'est que j'aimerais ça que ce livre-là soit entre les mains de tous les non-chrétiens du Québec. Parce que c'est celui que j'ai écrit pour mon grand-père. Mais on a fait une série de vidéos avec. Et quand on parle. Ouais, juste un instant, juste avant de le partir. Mais merci. Nous croyons en Dieu. C'est le titre du livre. Mais aussi, hey, aussi le titre d'une plus vieille confession. Peux-tu mettre sur pause un instant, s'il te plaît? Confession de foi, c'est quoi? C'est un résumé des croyances des chrétiens qui commence en nous croyons en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et une confession de foi, c'était à la fois positif et négatif. Positif parce qu'on souhaitait affirmer qu'est-ce qu'on croit en tant que chrétien. Nous croyons qu'il y a Dieu créateur. Je vais revenir. Dieu. Peux-tu le remettre au début et monter le son, s'il te plaît? Donc, sa réponse à lui-là répond à la question, comment est-ce qu'on sait que Dieu existe? Puis, c'est particulièrement avec des amis athées ou agnostiques qui viennent nous voir dans un langage qui, j'espère, est clair. Alors, tu peux le partir. Nous croyons en Dieu. C'est le titre du livre, mais aussi le titre d'une des plus vieilles confessions de foi. Une confession de foi, c'est quoi? C'est un résumé des croyances des chrétiens qui commence par « Nous croyons en Dieu, créateur du ciel et de la terre ». Et une confession de foi, c'était à la fois positif et négatif. Positif parce qu'on souhaitait affirmer qu'est-ce qu'on croit en tant que chrétien. Nous croyons qu'il y a un Dieu créateur qui a créé le ciel et la terre, que ça ne s'est pas fait par hasard. Et ça voulait dire aussi négativement que non, nous ne croyons pas que l'univers est éternel, comme le pensaient par exemple les penseurs grecs à l'époque du Nouveau Testament. Donc, nous croyons en Dieu, cette confession de foi pose quand même la question. Comment est-ce qu'on sait? C'est beau dire qu'on croit en Dieu, mais comment est-ce qu'on sait même que Dieu existe? Et ça nous mène en fait à une des plus grandes questions de l'histoire de la philosophie. Ça a été posé par le philosophe Leibniz, ça a été repris par Jean-Paul Sartre ou d'autres. La question est la suivante. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Mais pensons vraiment là, le rien de rien, comme on appelle en science, c'est-à-dire non seulement il n'y a rien, mais il y a un absent. En ce moment, même si on enlève tout ce qui est ici dans la pièce, il y a encore quelque chose, il y a de l'air, il y a plein de choses. Donc, mais imaginez l'absence complète de quelque chose. Mais la question, c'est comment ou pourquoi y a-t-il quelque chose alors qu'il devrait y avoir rien? Parce que si on avait rien il y a 65 milliards d'années, ben on devrait encore aujourd'hui avoir rien. Un exemple de ça, c'est imagine ton compte en banque. Si tu as 0$ dans ton compte en banque cette année, combien vas-tu avoir dans une année si tu déposes rien? En fait, tu risques de perdre de l'argent, tu vas être dans le négatif, ils vont enlever des frais. Mais quand même, si d'habitude, si tu mets rien, eh bien, il n'y a rien qui va se rajouter. De la même manière, si tu as rien, mais ça ne produit rien. Comme le dit le principe en science, de rien, rien ne vient. Ça sonne toujours mieux en latin. Ex nihilo nihil fit. De rien, rien ne vient. Pourquoi y a-t-il quelque chose, plutôt que rien, devrait être considéré la plus grande question de l'histoire de l'humanité? Vous savez, la science est souvent concernée avec le comment. Comment y a-t-il eu un commencement? Comment la vie est-elle arrivée? Mais la question du pourquoi est un sujet qui est laissé à la philosophie, aux religions et aux réflexions qu'on peut avoir sur le monde. Parce que d'où est-ce que l'on vient? Et quand est-ce qu'on remonte? Et vous savez, Aristote, un des plus grands philosophes, posait ce qu'on appelait le problème du premier moteur. Le problème du premier moteur, c'est quoi? C'est qu'Aristote disait, je ne peux pas remonter à l'infini. Moi, je suis ici. Je ne peux pas remonter à l'infini dans l'échelle des causes. Bon, ça, c'est une façon un peu difficile d'expliquer. Je donne un exemple. Un de mes films favoris, Retour vers le futur. Imaginons un peu cette scène. Alors, Doc, où est-ce qu'on va aller? Alors, Marty, ça peut être intéressant. Nous allons voir le plus grand question de l'histoire de l'humanité. Mais c'est quoi ça, Doc? On va où? On va retourner à la première cause de l'humanité. Nous allons voir le premier couple humain. Ah, mais c'est pas le pied, Doc. On peut pas aller à une époque plus intéressante. Marty, nous allons répondre à la plus grande question que l'être humain n'a jamais répondu. Embarquons dans la DeLorean. Mais Doc, la route est trop courte. Là où on va, il n'y a pas de route. Et là, on imagine la DeLorean qui est en train de partir. Et là, il traverse l'espace-temps et arrive au moment où le premier couple de l'histoire est là. Et la DeLorean écrase Adam et Ève. Fail. Qu'est-ce qui arrive? Mais exactement la même chose que dans Retour vers le futur 1. Ça fait comme 40 ans que c'est sorti, donc ça ne devrait pas être un spoiler. Mais grosso modo, Marty remonte dans le temps et il empêche ses parents de se rencontrer. Qu'est-ce qui arrive? Marty commence à disparaître parce que si ses parents ne se sont pas rencontrés, ben, ils n'ont pas pu avoir leurs enfants et donc Marty ne peut pas avoir existé. Même chose, dans Retour vers le futur 3, il retourne dans le Far West. Et là, il y a un danger que son arrière-arrière-arrière-grand-père n'existe plus. Et qu'est-ce qui arrive si son arrière-arrière-grand-père n'existe plus? Mais son arrière-grand-père n'existe plus, son grand-père n'existe plus, son père n'existe plus, lui n'existe plus. Puis il ne peut pas revenir dans le temps pour venir les sauver. Et donc, ce qu'on a, c'est qu'à quelque part, si on enlève la première cause, si j'enlevais le premier couple humain, tout le reste de l'humanité n'existe pas, c'est impossible. Mais c'est la même chose, si j'empêche le monde, l'univers au complet d'exister, il n'y a pas de cause à l'univers, dit Aristote. Il dit, ça ne marche pas. Parce que si j'écrase ou je démolis la première cause en venant avec ma chaîne à remonter dans le temps, j'efface toute l'histoire de l'humanité. Aristote est donc arrivé à une conclusion. Il est nécessaire qu'un premier moteur, une première cause existe en elle-même et qu'elle existe de toute éternité. En d'autres mots, il est impossible que de rien, que de complètement rien, à un moment donné, ça fasse pouf, quelque chose. Mais comment est-ce qu'on fait quelque chose? Pour avoir un big et un bang, il faut quand même que tu aies des choses pour faire le monde, des composés chimiques, tu aies quelque chose. Et donc, dans ce sens, il faut un premier moteur. Et donc, l'hypothèse qu'on vient absolument de rien, mais ne tient pas la route logiquement. Les deux seules options que nous avons, et on les retrouve dans l'histoire de la philosophie, c'est qu'il existe un Dieu créateur. Et l'autre option, on va dire qu'il doit être plus rationnel que de croire qu'il y a un Dieu, mais l'autre option, c'est de croire qu'il y a un univers qui est éternel. Et ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus de scientifiques aujourd'hui essaient de retomber dans cette nouvelle hypothèse, cette ancienne hypothèse de penser que l'univers a toujours existé ou qu'il vient en forme de cycle ou d'autres choses. Pourquoi? Parce qu'on arrive au problème que de rien, rien ne vient. Fait que là, on se trouve que nos deux options sont tous les deux irrationnelles. Ça veut dire que ça dépasse la raison humaine. Je ne peux pas résoudre ce mystère du début, du commencement de l'humanité avec ma raison. Mais ni l'un, ni l'autre est rationnel dans le sens que je peux le comprendre avec ma raison. Et donc, dans ce sens, après ça, la véritable question, c'est de dire, si j'ai le choix entre un univers éternel et un Dieu éternel, qu'est-ce qui est le plus logique? Eh bien, je vais vous dire que quand je regarde dans le miroir, quand je vois la complexité de l'être humain, quand je vois, vous savez que la Terre, par exemple, a besoin de dizaines et dizaines et dizaines de caractéristiques. On inclinerait la Terre de 2 degrés de plus. On n'aurait aucune vie sur la Terre. Il faut qu'elle soit exactement à la bonne distance d'un Soleil, qu'elle tourne à telle vitesse, qu'il y ait une rotation autour du Soleil. Et donc, on se rend compte qu'il y a tellement de raisons précises. Je regardais une vraie araignée en train de construire sa toile. Écoute, moi, j'ai passé des années à l'université pour apprendre à faire des choses. Et des ingénieurs, des docteurs ont passé beaucoup plus de temps que moi à apprendre des choses techniques. Pourtant, l'araignée qui n'a absolument aucune idée, elle n'a jamais été à l'université, elle n'a jamais été au MIT, elle n'a jamais été à l'Institut d'architecture des toiles, elle est capable de monter une chose, une architecture avec des formes géométriques absolument extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'il y a un software, il y a un logiciel qui a été placé là avant. Je me perds avec le GPS dans l'auto. Veuillez tourner à gauche. Je tourne à droite. Ou des fois, t'es au bout de la route et il dit « Tournez à gauche, mais il n'y a plus de route. » Mais moi, je me perds qu'un GPS qui a été piloté par l'homme, qui a été conçu par les meilleures compagnies au monde, et l'oiseau sait quand partir, s'en va, revient. Pourquoi? Parce qu'il y a un logiciel qui a été mis là, à l'avant. Qu'est-ce qui est le plus logique? De penser qu'il y a un logiciel qui a été mis ou de penser que le tout est le fruit du hasard? Vous savez, mon garçon aime beaucoup les Lego et moi, je suis pourri en Lego. Je suis plus un intello et par exemple, j'ai 6 bibliothèques IKEA, même modèle dans mon sous-sol. Et je peux dire que c'est moi qui les a fièrement montées. Il n'y en a pas deux pareils. J'ai fait des erreurs dans chacune. Mon épouse trouve ça bien drôle. Mais mon garçon aime monter les Legos. Alors, moi, les Legos, moi, j'aimais les Duplo. Tu sais, les gros blocs, c'est pas très compliqué, tu m'ensembles. Mais là, les Legos, puis là, tu te rends compte, tu as un manuel d'instruction de ça d'épais. Tu as comme 128 étapes pour arriver à finir ton truc. Et là, si tu mets une chose à l'envers, tu te rends compte 25 étapes plus tard qu'il faut que tu reviennes. Pourquoi? Parce que c'est complexe. Penser que le monde vient du hasard, c'est de penser de prendre un immense sac de blocs Lego, de le shaker bien fort, de le pitcher les airs ou de le laisser tomber de la tour Eiffel, puis de penser que ça va faire toute une construction déjà toute bien faite. Fait que souvent, on réfléchit pas vraiment très loin en disant « Mais si c'est le hasard, qu'est-ce qu'il faut vraiment qu'il arrive? » Mais il faut vraiment qu'il y ait tout un hasard, mais qu'il continue pendant des années et des décennies, des milliers d'années. Toujours, tu joues à risque le jeu, puis tu sors toujours des 6, tout le temps, sans jamais... rouler quelque chose d'autre. On ne se rend pas compte le nombre de chances ou de hasards que ça prendrait pour arriver à ce que nous avons. Non, nous avons une évidence derrière le monde qu'il y a un créateur, qu'il y a quelqu'un qui réfléchit et qui pense le monde et qu'il y a à l'intérieur de notre cœur la pensée de l'éternité. Il doit y avoir autre chose. Il doit y avoir une raison pour laquelle nous sommes sur Terre qui est plus que le manger, le boire et le plaisir. Il y a l'amour, il y a la compassion, la miséricorde. Et pourtant, nous voyons qu'on n'est pas capable d'atteindre ces choses-là bien souvent. Qu'on a un monde qui est tourné vers l'égoïsme. Et que quand on regarde, même dans le miroir, si on est honnête, souvent c'est notre propre nombril qu'on pense davantage que celui des autres. Donc, quand je regarde le monde, comme nous dit l'apôtre Paul, je vois la main d'un Dieu créateur, d'un grand artiste qui a créé le monde. Et donc, pourquoi est-ce que c'est logique de penser qu'il y a un Dieu? Parce que les deux options, l'option qu'on vient de rien n'est pas une option valable. Il faut qu'il y ait un premier moteur. Et à ce moment-là, j'ai à choisir entre un Dieu éternel ou un univers éternel et en bout de ligne, entre un Dieu personnel ou un Dieu impersonnel. Mais tout pointe dans notre monde pour pointer vers un Dieu personnel, intelligent et un Dieu qui aime. Et c'est justement ce que le Dieu de la Bible va nous comment il va nous être présenté, un Dieu qui nous aime, qui nous a créés, qui a créé le monde bon, mais il est arrivé quelque chose dans la création. C'est justement ça le cœur du message de la Bible. Comment est-ce que, en tant qu'être humain, on peut vivre réellement en tant qu'être humain et avoir un monde de paix et de justice qui sont des aspirations que chaque être humain a actuellement, mais c'est justement ce que la Bible va nous révéler. Comment, c'est quoi la solution pour arriver à ce monde de paix et de justice que nous aspirons tant? Merci. Tu peux remettre le PowerPoint, s'il te plaît. Donc, ces vidéos comme ça, il y en a un par chapitre qui sont dans le livre pour qu'on puisse le faire en un à un. Fait que tu peux littéralement, les vidéos et tout ça sont gratuits. Vous pouvez les trouver. Il y a des petits signets ici à l'arrière que vous pouvez prendre ou il y a un code qui est là où vous pouvez les chercher sur YouTube. Vous avez accès aux vidéos complètement gratuitement pour le faire en un à un. Vous avez un ami qui se pose des questions sur la foi? Hey! On va lire ensemble, on regarde une vidéo, on en jase, il y a des discussions, des questions de discussion qui sont déjà faites à l'intérieur pour ça. Donc, c'est vraiment là pour nous aider. Qu'on fait sur les enfants, il y a plus d'interactions dedans, on a un détective, on a des scènes, on fait ça avec des sketchs devant écran vert, on a un grand plaisir parce qu'on veut quoi? Que ce soit interactif, intéressant, puis que les enfants, et que ça puisse être fait en famille, que ça puisse être fait dans des groupes de jeunes, que ça puisse être fait à l'école du dimanche. Et donc ça, c'est le gros projet sur lequel on travaille, je ne sais pas si c'est lui, merci. Ah, c'est bon, je vais l'avoir ici. Dans les ressources que l'on produit, vous avez de l'autre côté du signet qui est en arrière, ce qui s'appelle « La foi vient de ce que l'on entend », donc c'est un petit clin d'œil sur ce que Paul nous dit en Romains 10, mais qui est un podcast qu'on fait à chaque semaine pour donner des ressources aux églises en répondant des fois à des questions qui ne sont pas souvent traitées dans l'église. Donc, un de nos buts, c'est d'équiper les églises, les pasteurs, les chrétiens à répondre à ces questions-là. Par exemple, une des choses qu'on a faites, c'est sur, par exemple, sur le racisme systémique. Comment est-ce qu'on comprend toutes ces réflexions-là qui sont là aujourd'hui? On a fait un, par exemple, comment discuter avec mon ami, puis j'ai comment discuter avec mon ami bouddhiste, comment discuter avec mon ami témoin de Jéhovah, comment discuter avec mon ami musulman. On a des choses comme le chrétien et la consommation. Il y a un auditeur qui pose la question, mais c'est quoi la place de l'enfer aujourd'hui dans notre prédication de l'Évangile? Parce que c'est dans la Bible, mais on n'en parle quasiment jamais. Fait, comment on réconcilie ça avec le Dieu d'amour, avec un jugement? La Bible propose-t-elle des solutions à l'anxiété? C'est un de ceux qui a été le plus écouté. On vit dans un monde où l'anxiété, qu'on soit petit ou grand, c'est une des plus grandes questions. Nos jeunes, il y a une étude qui est sortie dernièrement, que 45 % des jeunes Québécois d'à peu près, à peu près 15 à 25 ans souffrent des symptômes d'anxiété qui sont dits chroniques. Ça, c'est l'anxiété qui incapacite, qui rend vraiment difficile la vie de tous les jours. Donc, la Bible a-t-elle une solution à l'anxiété? Une autre question, sommes-nous responsables du salut de nos enfants? C'est une bonne question. Ou même de nos petits-enfants. Puis de réfléchir ça. Mais c'est quoi mon rôle à ce moment-là? Ou même mon rôle en tant que grand-parent, mais mes enfants ne suivent pas le Seigneur, mais moi, je suis un grand-parent, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est un peu dans ces réflexions-là. Comment guérir du légalisme et de ses effets? Donc, on a une centaine d'émissions qui sont là, qui sont accessibles en tout temps pour répondre à ces questions-là. Puis tu peux l'écouter dans ta douche, tu peux l'écouter en faisant ton gazon, tu peux l'écouter en faisant dans le trafic. Et donc, c'est là pour être une ressource aux églises à chaque semaine. Donc, c'est disponible, vous pouvez le voir en arrière. Il y a aussi, en arrière, on a l'inscription à notre lettre de nouvelles. Si vous voulez recevoir nos nouvelles, autant les lettres de nouvelles qu'on envoie, je les envoie souvent à Noël, puis les transfèrent. Mais sinon, on a Samedi de grandir, donc un petit clin d'œil, donc avec où il y a une petite inspiration, un petit passage biblique, peut-être une lecture, une citation d'un livre que je lis dernièrement. Donc, quelque chose pour nous encourager à quoi? Mais à être en mission. Nous donner le goût de grandir, de la formation, d'être inspiré, puis de continuer d'être en mission, puis de partager l'Évangile avec d'autres. Donc, les vidéos, j'en ai parlé, et les pourquoi de la foi, c'est notre gros projet. J'aimerais ça vous lancer, je mets ça devant vous. D'habitude, je ne présente pas des projets particuliers. C'est le plus gros projet qu'on a jamais fait, honnêtement. On a un budget de 140 000 $ entre 120 et 140 000 $ pour rouler ces émissions-là, qui sont d'une qualité supérieure même à ce que j'ai présenté là, pour vraiment que les enfants aillent notre meilleur. On a 70 % de notre budget qui est déjà là, le Seigneur a vraiment pourvu. Il nous reste un 30 % du budget à couvrir pour, et ça paye, c'est des gens, on a quelqu'un qui travaille à temps plein sur le montage vidéo, on a une directrice artistique, on a le montage des vidéos, on a l'équipe de studio dans un studio professionnel. Donc, c'est vraiment un gros projet. Puis, on a besoin de l'aide des frères et des sœurs pour nous arriver et nous faire franchir la ligne de l'autre côté. Fait qu'il nous reste un 40 000 $ à lever. Si le Seigneur vous met à cœur, vous dites, hey, moi, je crois vraiment à ça, je vous encourage à le considérer, mettre ça devant le Seigneur. Vous savez, le Seigneur a mis des œuvres préparées d'avance, puis je ne suis pas inquiet. Puis si ce n'est pas pour vous, mais regarde, ce n'est pas grave, le Seigneur va pourvoir. Mais si c'est vous que le Seigneur a préparé à l'avance, mais je vous invite à prendre contact avec nous. Vous pouvez aller voir sur notre site web ou nous écrire par courriel, ça va nous faire un grand plaisir. Je vais inviter Cathy à revenir. On va terminer avec un chant. On a beaucoup parlé de la grâce de Dieu, puis j'aimerais ça qu'on termine justement avec cette grâce infinie de notre Dieu, qui un jour nous a sauvés. Je vous invite à vous lever. On va chanter ensemble.